Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais installer mon dispositif technique, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout en parlant. Donc, je suis ici un peu invité à la fois plusieurs titres. Bon, d'abord, je ne suis pas historien, mais sociologue. Nobody is perfect. Tout à fait, merci. J'aime à lire mes collègues et j'aime l'interdisciplinarité et le fait que, notamment en France, l'histoire, sciences humaines, dialogue et discute avec les sciences sociales et vice-versa, ce qui me semble quelque chose de très important. Alors aussi, je suis ici un peu à double titre, et donc je vais devoir marquer physiquement, même si ce n'est pas enregistré ce double titre. Donc je suis d'abord chercheur à l'INRA, donc sociologue, et à ce titre, je mène des travaux sur différentes choses, dont quelques-uns que je vais présenter ici. Et par ailleurs, donc, je suis DAS... à l'INSHS en charge de la politique IST. Mon prédécesseur était historien, il est dans la salle, Joseph Roggio, et à ce titre je travaille notamment avec Odile Conta sur les revues. Et donc pour que les choses soient à peu près claires, au moins pour les auditeurs présents et pas les auditeurs électroniques qui écouteront plus tard le fichier, donc quand on va publier par écrit, hein. Oui, oui, même oui. En papier, tu seras en papier. On peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de publication en ligne. Donc, là, je vous parle en tant que chercheur INRA. Lorsque je vous parlerai en tant que DAS CNRA, je change de casquette. Et donc, je mettrai cette casquette pour que les choses soient claires, à savoir de quel point de vue je parle, ce qui me semble important à un moment donné. Donc, me voilà de nouveau INRA. Je vais brancher ma machine. Et donc, tout va être tout à fait clair. Hop, et ça va marcher directement, vous allez voir. Si ça ne marche pas directement, voilà, vous voyez. Donc je vais juste déclencher la lecture dès qu'il va me donner la main. Voilà. Hop. Ok, donc là, je suis CNRS et je vous renvoie donc à un texte que j'ai publié dans la lettre de l'INSHS qui s'appelle « Vers une culture de la diffusion en SHS ». Je fais juste un micro-point ici. Ce dont nous avons convenu, c'est que je présente la politique de revue de l'Institut tout à l'heure durant la table ronde où on répond à vos questions. Je veux juste insister sur un point qui me semble essentiel et sur lequel on va revenir. La question essentielle, il me semble, et c'est traité dans un autre papier que j'ai fait avec mon co-auteur, c'est est-ce que les revues, c'est un lieu de contrôle de la production ou est-ce que c'est un lieu de diffusion et de débat ? Si la question est celle d'un lieu de diffusion et de débat, alors nous venons sur tous les types de questions dont nous parlons aujourd'hui. Si c'est simplement un lieu de production, évidemment, et je ne sais plus lequel d'entre vous a dit ça, beaucoup de personnes, y compris impliquées dans les revues, n'ont pas de problème, enfin, ne s'intéressent pas à l'économie de la revue, à sa diffusion, à sa valorisation. Pour eux, c'est un lieu dans lequel on va contrôler et valider la production des collègues. Donc, une fois cela dit, je vous parlerai du CNRS tout à l'heure, je redeviens INRA, et je vous présente un travail qui est un énorme article qui actuellement fait 115 000 signes, qui va passer en deuxième version à Annal le jour où ils le recevront. Voilà. Reviewing de haute qualité, 7 pages, donc il y a un peu de travail quand il faut le reprendre. Donc il s'intitule « Une histoire transnationale de l'open access, du militantisme de politique publique ». Travail qui se situe dans un programme plus général que nous menons de manière, je dirais... à la fois séquentiel et avec chacun nos objets d'étude, avec David Ponti, donc, qui est chercheur maintenant à iCube, parce que ceci n'existe plus ou existe comme équipe. Et en gros, c'est la question centrale, c'est quelle est aujourd'hui l'économie politique des revues. Et le sous-texte, c'est nous considérons les revues comme un acteur social. Et donc, un acteur social avec différents problèmes, différentes questions. Et l'une de ces questions, c'est, dans l'économie politique, c'est effectivement l'économie, les modèles économiques qui sont associés. Donc, je vais faire une présentation où il y aura beaucoup de sigles, beaucoup de choses, etc. Donc, ça risque d'être un peu riche. J'essaierai néanmoins qu'elle demeure à peu près lisible pour des gens distants. Et pas forcément au courant de tout cet univers. L'autre point important, c'est qu'évidemment, à la fois le titre vous le dit, c'est que nous allons aller très loin par rapport au débat qu'on a évoqué aujourd'hui, mais vous verrez la résonance, au sens où on est dans des disciplines très largement non SHS, pour ne pas dire quasi exclusivement sur cette première histoire. Claire fera en quelque sorte un complément, et il n'y a pas du tout ici une logique hiérarchique, mais je veux dire, on va précisément montrer aussi comment ce type de débat ressurgit et retraduit dans des logiques propres de nos disciplines et dans l'économie propre de nos disciplines. Parce qu'évidemment, pour un physicien, si vous voulez, 1500 euros l'article, c'est même pas le prix de l'allumage de la machine. Donc, si vous voulez, c'est absolument rien. Donc, ça pose aucun problème. Et on va aller très loin, puisque je vais traiter en fin de présentation trois politiques publiques, États-Unis, Grande-Bretagne et Europe. Donc, trois points. Je fais mon histoire aussi, mais vous savez, je suis sociologue, donc l'histoire commence vers 1988. Vous voyez, donc, je suis désolé de cette modestie. Je vous renverrai à d'autres travaux sur le peer review, où là, on commence quand même avec la Société Royale et compagnie, donc on est quand même au 17e. Donc, premier point, précurseur pionnier initiateur, donc les années 90, décrire comment différents types de personnes, de mouvements, de collectifs pensent cette question de l'accès et à partir de quel problème et avec quelle valeur. Parce que le débat est profondément moral, sans moralisme, mais c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont véritablement incluses et ces valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes. Deuxième temps qui en fait recouvre le début des années 2000, la question de la stabilisation de l'open access. Et enfin, les politiques publiques qui démarrent véritablement pour nous à partir de 2005. Alors, vous voyez, oui, je sais, il me ressemble un peu comme ça. Donc, c'est un physicien. C'est Paul Ginsberg. Cette personne devrait avoir le prix Nobel de physique, mais il ne l'aura pas, vraisemblablement, parce qu'il a créé une idée d'infrastructure extraordinaire qui s'appelle archive.org. Son problème, à la fin des années 80, c'était que les physiciens échangeaient beaucoup de préprints, donc avant validation, physiciens des hautes énergies, et ça encombrait les listes de discussion électroniques qui existaient avant le web inventé en 93. Et donc, il cherchait un moyen de faire en sorte que les papiers soient effectivement lus, mais il n'encombre pas les boîtes aux lettres, parce qu'un papier de physicien, c'est pas comme nous, c'est pas du texte, il y a de la donnée, du graphique, haute définition, tout ce que vous voulez, des trucs qui sont extrêmement lourds. Et donc, il invente un dispositif comme ça, qui est une sorte de petit bricolo au départ, mais qui va devenir extrêmement populaire, donc archive, dans lequel on dépose sur un site qui va devenir donc un site web au sens où l'entend, HTTP, etc., des fichiers avant publication pour discussion. L'idée essentielle, et là il n'y a pas de problème de V2, V3, etc., puisqu'on les inscrit au fur et à mesure, c'est on discute d'un papier. Et voilà, c'est ça la question essentielle. On discute et on archive. Donc la logique de la priorité de la découverte scientifique du 17e est toujours présente là. J'ai déposé à tel moment, il y a la date, j'ai été le premier, il y a des discussions, il y a une V2, il y a une V3, etc. Et donc chaque physicien ou groupe de physiciens, parce qu'en haute énergie ils sont assez nombreux, si vous voulez, c'est pas 10 ou à 20 qui signent, hein, 5000, on a battu le record récemment, selon des règles de sociologie du travail extrêmement intéressantes. Ce mouvement va se poursuivre et on a une élaboration théorique très intéressante, celle de Stephen Arnard, qui est donc chercheur canadien, bilingue, anglophone et francophone, et ainsi très souvent invité en France, chercheur en sciences cognitives, qui avait fait des formes de peer review très intéressantes en 95, qui établit une espèce de proposition subversive, c'est-à-dire il dit, en fait, demain, nous pouvons faire une vraie révolution et changer le monde, sans changer l'économie de la publication actuelle. Comme les physiciens, on met tous nos papiers en ligne tout de suite sur nos pages personnelles. Donc l'idée, c'est archiver ses propres productions pour assurer la diffusion, le débat, la pérennité, sans toucher à l'économie de la publication. Et évidemment, très vite, une fois que tout le monde fait ça, c'est oui, d'accord, mais comment on va les trouver, quel type de format, etc. Et donc, vous avez différents mouvements qui aboutissent à l'Open Archive Initiative et à des formats techniques, véritablement, qui assurent ce qu'on appelle le moissonnage, l'interopérabilité, donc ces mots barbares qui veulent simplement dire que, du coup, chacun peut trouver les textes et qu'on peut faire, précisément, une recherche mondialisée sur des tas de dépôts différents. Une forme extrêmement intéressante en SHS, même si parfois on oublie que ce sont des SHS, c'est ce qu'ont fait les économistes avec REPEC, c'est-à-dire une archive décentralisée extrêmement intéressante à partir de 1994, en reprenant le modèle d'archive et en faisant quelque chose d'assez différent. Je vous renvoie là encore un autre papier qu'on a écrit. Deuxième mouvement qui est très très différent dans sa pensée politique, l'archive centralisée. Donc Harold Varmus, prix Nobel de médecine. Vous voyez, on a encore changé de discipline. Il est à la tête du NIH, donc gros financeur public de la biomédecine aux États-Unis. En 1998, il a entendu parler d'archives, il va voir différents acteurs, et il a une idée qui est d'équiper un répertoire qui vient de passer dans le répertoire public, qui s'appelle PubMed, de tout un tas de textes. C'est-à-dire qu'il a l'idée aussi de faire des préprints, de faire un système d'archivage post-print, et de faire une archive centralisée. Moi, NIH, financeur de recherche, je veux que mes productions soient disponibles au public parce que c'est de l'argent public. Je rappellerai en passant, je me permettrai avec les deux casquettes de rappeler que toutes vos productions ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à vos employeurs. Et donc, c'est du public good, du common good et du public good. Les libéralités, les droits d'auteur, tout ce que vous voulez, c'est de l'ordre de la dérogation, de la libéralité, etc. Vous n'avez pas vos données, vos articles. Vous avez en revanche le droit moral, bien évidemment, qui correspond, enfin tous les droits moraux qui sont attachés aux droits d'auteur, évidemment, dans le système juridique français. Donc, deuxième type de chose qui est assez différent du premier. Vous voyez, l'autre, c'est un système anarchiste. Chacun met ses archives, etc. Voilà, puis après, on fait des standards. Là, c'est dire, non, moi, financeur, je veux savoir tout ce qui a été financé et c'est présent sur une archive que je peux, entre guillemets, contrôler. Troisième type de mouvement, qui là est issu des sciences documentaires, dont il faut bien saisir qu'elles sont beaucoup plus développées aux États-Unis et dans d'autres pays qu'en France. C'est-à-dire que les sciences documentaires, ce n'est pas le gentil bibliothécaire de la bibliothèque. Hein. C'est quelqu'un qui a une thèse, qui a des revues, qui publie et à qui on ne la fait pas. Et donc l'association américaine des bibliothécaires universitaires, je ne sais pas si ça quand je dis ça derrière pour que ce soit bien saisi, ont fondé donc une alliance Spark, d'abord aux États-Unis avec une version européenne, etc. Avec leur idée, ça a été évoqué, de faire face à la serial crisis, c'est-à-dire l'augmentation continue du prix des abonnements, des prix des abonnements électroniques s'ajoutant au prix papier, et en rappelant qu'à partir de la formule donnée par Elsevier et d'autres éditeurs au milieu des années 90, au début des années 90, il s'agit évidemment d'un prix d'accès et non pas d'un prix de possession des versions électroniques, c'est-à-dire que vous devez payer tout le temps, vous n'avez pas le droit de les archiver ou de les utiliser, au moins théoriquement et légalement, si vous ne continuez pas à payer. Donc Spark fait plusieurs choses, avec là encore une vision politique très très forte. Donc ils disent bien, ils sont américains au départ, mais ils vont rejaillir, puis il va y avoir une version européenne et tout ça. C'est dire, on veut réduire les coûts de publication, quel type d'action, quel répertoire d'action on déploie. Première chose, avoir des prix library friendly. Donc négociation pied à pied avec les éditeurs pour avoir des prix moins chers pour eux. Deuxième élément, et là on voit un répertoire politique, là encore je parle des historiens, qui est celui de la révolution américaine, c'est-à-dire il faut libérer les revues et déclarer leur indépendance. C'est un guide pour dire comment vous débarrasser de votre éditeur privé, horrible, etc. Voilà, c'est Declaring Independence. Et c'est explicitement la révolution américaine, c'est 1783, c'est tout ça qu'il y a derrière comme vision politique. Voilà, c'est réduire les coûts, devenir autonome et indépendant. Donc là, vous voyez qu'évidemment, par rapport au premier mouvement, on est dans la modification assez forte de l'économie des revues. Dernière ligne et précurseur. Donc ici, on a un entrepreneur qui est assez intéressant, Trax, qui est un éditeur et qui annonce la révolution. Vous voyez, lui aussi, hein, ils sont tous quand même dans une idée révolutionnaire, c'est des vrais militants, qui annonce qu'en fait, il va rendre toutes ses revues gratuites. Il renomme, à l'introduction de PubMed Central, il renomme sa boîte BioMed Central et il dit tous les contenus originaux des articles vont devenir gratuits, je vais faire payer autrement. Alors il y a plein d'idées en tête sur comment payer. Vous allez me dire comment c'est possible. Je vous rappellerai que vous avez un Google Mail ou je sais pas quoi gratuit. Bon, bah, on va faire de la publicité, on va faire différentes choses, on va faire payer les news, on va faire du sponsoring. Donc il y a différentes idées. Et donc à partir de 99, c'est un acteur très important puisque c'est l'un des rares alliés du côté des éditeurs de ces militants et parce que il a une forme, une capacité entrepreneuriale très forte. Donc tous ces mouvements, en fait, sont, entre guillemets, relativement autonomes. Des disciplines différentes, des dispositifs différents, des visées politiques différentes, des modifications par rapport à l'économie politique existante différentes. Ça me permet juste de rappeler ici que cette histoire transnationale que je fais ici est une histoire du Nord. Je ferai une histoire totalement différente si je parlais de Cielo, des mouvements sud-américains, etc. Simplement, je fais une histoire dans laquelle, précisément, il y a un monde avant, une économie politique antérieure existante dans laquelle il y a du financement public, privé, des éditeurs, toute une industrie qui préexiste, ce qui était beaucoup moins le cas pour les contenus scientifiques au Sud. Deuxième temps, donc, qu'est-ce qui se passe au début des années 2000? C'est une espèce d'agrégation et de concrétisation qui se passe à travers deux principaux événements. Le premier événement, c'est une lettre, donc qui part plutôt du monde des biologistes, de Public Library of Science, de mémoire, là on est en mars 2001, dans lequel tout un tas de gros... de scientifiques de poids disent qu'en fait ça suffit, le racket des éditeurs et des revues. Et donc, maintenant, il faut boycotter les revues. Donc, c'est la première fois que la question du boycott apparaît. Il faut boycotter les revues qui n'adhèrent pas à toute une série de principes. Et donc, cette pétition va recevoir de mémoire 25 000 signataires. Donc, on est en 2001. Mais ne va pas modifier radicalement la position des revues, à l'exception de Biomède Central, qui dit « c'est formidable cette lettre, on va faire exactement la même chose, on est d'accord avec vous, tout va bien », avec Trax, qui est vraiment un personnage tout à fait intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à la fin de la période où ils annonçaient que, du coup, ils allaient boycotter, etc. Ils disent « on va inventer de nouvelles formes ». Donc, ils font une lettre le 31 août 2001, ils annoncent un certain nombre de subventions qu'ils obtiennent de Soros déjà à l'époque. On va faire notre revue avec nos principes, qui sera entièrement ouverte, qui sera sur un principe différent. Alors entièrement ouverte, ça veut dire on l'a pas dit du tout à aucun moment. Mais évidemment, c'est la question de la réutilisation des textes, c'est la question de l'utilisation des textes comme données. C'est vous pouvez faire ce que vous voulez avec littéralement. Bien évidemment, avec la question de l'attribuabilité, c'est-à-dire vous recitez, mais c'est la seule contrainte de base normalement. Et c'est précisément cet élément-là qu'on va retrouver dans le deuxième événement qui a lieu en 2002, la Budapest Open Access Initiative. Les quatre types d'acteurs que j'ai mentionnés vont être rassemblés par des gens autour de Soros, il y a une quinzaine de personnes, ils vont faire cette déclaration qui annonce vraiment ce qu'est l'open access pour les purs, si j'ose dire. Parce qu'évidemment, après, la définition, vous allez voir, va varier au cours du temps. La mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tous et à chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière légale ou technique autre que celle indissociable de l'accès et de l'utilisation d'Internet. Donc ça n'est pas rien l'open access. Et ben, vous allez dire, c'est formidable, mais comment on va faire ça? Eh bien, ils nous annoncent deux manières de le faire. C'est le texte original, donc pour les historiens, ce texte n'est jamais cité sous cette forme-là, il existe sur Web Archive, il n'est jamais cité sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a un petit changement dans la version 2, et le texte version 1 n'est jamais cité, mais vous allez voir, le petit changement est important. Premier élément, on retrouve la première voie, self-archiving, donc celle d'Arnad, on auto-archive de différentes façons, et on utilise des standards, etc. Deuxième voie, celle de Trax, vous voyez, d'autres ont disparu directement, Alternative Journals. Donc, il faut lancer des nouvelles revues, ce qui recouvre aussi celle de Spark avec la version Independence. C'est là marqué Alternative Journals, c'est pas marqué Open Access Journal, terme qui en fait va apparaître simplement à l'été 2001. C'est-à-dire l'idée qu'une revue peut être qualifiée de Open Access n'existe pas avant l'été 2001. Open Access, c'est un objectif général, mais c'est pas attaché à une revue. À partir de ce moment-là, on va discuter un peu partout d'open access et on va voir apparaître différents dispositifs. Donc, les militants vont convaincre toute une série d'institutions et vont bâtir plein de dispositifs, notamment à partir de bases anglaises. Donc ici, j'en cite quelques-unes. Le Directory of Open Access Journals, c'est-à-dire où trouver ces revues qui précisément pratiquent l'ouverture et la disponibilité suivant les critères du BOAI. Le Registry of Open Access Repositories, c'est-à-dire là, des archives que je vais qualifier de semi-centralisées, c'est-à-dire existant chez les financeurs, existant chez les employeurs, etc. Et encore une fois, on a un répertoire, donc on a un répertoire centralisé qui permet de diriger vers ces archives centralisées. Et Sherpa Romeo, encore une fois, d'origine anglaise, c'est le lieu où on va connaître les droits attachés à chacune des revues, quel type de choses on peut faire. Donc là, on est vers 2003, véritablement, on a un mouvement absolument fou de tentatives de définition. C'est-à-dire que vous avez plein de conférences qui disent l'open access c'est ça, l'open access c'est ça, etc. Les SHS apparaissent en 2003 dans la déclaration de Berlin où elles sont explicitement citées et on les inclut, si j'ose dire, dans le mouvement en disant qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire d'open access aussi. La déclaration de Berlin où il y a un certain nombre d'institutions dont de mémoire le CNRS, je me tourne vers Odile. Et apparaît donc à partir de 2003 puis 2001 mais véritablement 2003 un modèle qui va remplacer entre guillemets, se substituer très largement à Alternative Journals qui est le modèle auteur-payeur qui n'est pensé qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que si vous regardez la définition de 2001 et ce que dit Trax, c'est la solution ultime si on ne trouve pas d'autre solution à la manière de payer. C'est pas du tout, j'ai un modèle auteur-payeur et donc ils disent processing charge, donc bien la logique de coût. Voilà, et donc il fait une processing charge de mémoire à, je ne sais plus, 400, 650 dollars, je ne sais plus, en novembre 2001. Mais ce modèle dit d'APC va véritablement être, on va dire, standardisé et pensé à partir de PLOS Biology, donc 2003, lancement effectif 2004. Donc les gens de PLOS disent on fait vraiment notre revue, et cette revue, la première c'est PLOS Biology, qui dit voilà, on demande 1500 dollars, en fait ça va redescendre à 1350 dollars, c'est les coûts et c'est flat tax, tout le monde paye pareil, sauf que vous pouvez cocher une petite case qui dit je ne suis pas en mesure de payer, et notamment les auteurs issus d'un certain nombre de pays, mais pas seulement. Je ne suis pas en mesure de payer, vous ne payez pas. Alors, suivant certains journaux, il y a la logique, je paye la moitié, etc. Mais donc, voilà. Mais c'est déclaratif, hein. C'est-à-dire, je ne paye pas. Ils vont faire ensuite, je ne reviens pas là-dessus, mais PLOS One, pour vous donner l'importance de ce type de revues et de méga journaux qui apparaissent. PLOS One, 2014, de mémoire, c'est 30 000 articles. Donc, l'objectif de tout publier, etc., est aussi assumé par ces personnes qui ont un modèle derrière de peer review qui consiste à dire que c'est la validation post-publication qui compte. On publie tout ce qui est technically sound, et l'histoire et le darwinisme et tout ce que vous voulez fera le reste. Apparaissent à partir de Romeo, donc l'un des dispositifs, les notions de couleur. Donc quand vous dites voix dorée, d'où est-ce que ça vient partiellement de là. C'est-à-dire que là encore, on invente un vocabulaire avec des sous-catégories. Donc il y a les verts, les bleus, les jaunes et les blancs. Donc vous voyez que c'est pas doré et tout ça. Et en fait, vous avez Arnaud, qui est un type qui doit écrire à peu près 23 heures sur 24, qui sur des forums spécialisés, dont nous avons évidemment toutes les archives en ligne, avec parce que ces acteurs sont extrêmement attentifs à écrire leur propre histoire, etc., qui définit en fait, à partir des couleurs de Romeo, le gold et le green, ici en bas, dans des forums électroniques de mémoire novembre 2002-2003, ces définitions qui vont ensuite être adoptées par tous, avec l'idée de réduction de la BOAI à voix verte auto-archivage, voix dorée APC. Ernat passe sa vie, il écrit 2 textes par jour pour dire la voix dorée, ça n'est pas les auteurs qui payent, il y a plein d'autres formes, mais évidemment, entre guillemets, il a perdu au sens où c'est la manière dont la plupart des acteurs vont considérer la chose. J'en arrive à la dernière partie qui sera très courte, je ne sais pas combien de temps j'ai fait jusqu'à présent. Sur les politiques publiques. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc grosso modo 3 types de formes autour de l'open access. Les auto-archivages, et Al en est un très bon exemple en France, donc je n'en parlerai pas parce que je ne mets pas ma casquette. Les archives centralisées et le modèle auteur-payeur. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas d'autres modèles, et Claire, je pense, parlera du freemium. Je dis juste que les politiques publiques se sont d'abord bâties sur chacun de ces 3 modèles, avec autour plein d'acteurs différents qui interviennent dans des logiques de formation des politiques publiques tout à fait classiques en sociologie ou sciences politiques, des bibliothèques, des éditeurs commerciaux, des non-commerciaux, notamment ceux des sociétés savantes, des chercheurs, des financeurs, des employeurs. Donc je vais très très vite sur chacune des politiques, je mets vraiment 1 minute sur chaque pour vous montrer qu'il y a des trajectoires du coup extrêmement différentes qui vont impacter à la fois les chercheurs de ces pays, mais aussi les représentations même, ce que sont l'open access international, puisqu'évidemment, ça a des conséquences avec des effets de bord qui sont soit cherchés, soit au contraire redoutés. Donc, premier pays, les Américains. Donc, en 2005, l'archive dont j'ai parlé tout à l'heure, donc PubMed Central, devient obligatoire. Donc, il faut déposer. Donc, il y a toute une discussion qui existe autour, évidemment, de qu'est-ce que ça doit concerner, donc les recherches financées par la NIH. Avec 2 personnages qui apparaissent. Le premier, c'est les parlementaires, donc le Parlement, et puis le Parlement américain, c'est pas le Parlement français, c'est pas rien, quoi. Quand ils s'emparent d'un sujet, ils s'en emparent. Le peer review a failli être étatisé, comme vous diriez, à la fin des années 70, à cause de la multiplicité des affaires de fraude en biologie. Et surtout le contribuable. On a l'Alliance for Taxpayer Association, qui est une coalition dans laquelle on trouve pas, Spark, qui dit c'est du bien public, c'est payé par le contribuable, ça doit donc être rendu au public. Évidemment, en face, vous avez l'idée du copyright, et vous avez du coup une forme de compromis. Ce sont les éditeurs commerciaux, notamment, qui déposent eux-mêmes sur le site, avec l'idée, l'invention véritablement à ce moment-là, de la notion d'embargo. Avec le texte qui va définir 6 mois, 12 mois, enfin, PMC de mémoire, c'est 6 mois. Et ensuite, vous avez toute une bataille, on a parlé ici du Research Works Act, entre, en gros, ceux qui essaient de faire disparaître ce modèle, ou de l'isoler en disant « oui, mais c'est très spécial », et ceux qui essaient de l'étendre à toutes les formes de financement fédéraux qui, on va dire provisoirement en 2014, gagnent C'est-à-dire que toute agence fédérale qui a plus d'un million de dollars de recherche doit avoir son archive centralisée. Donc ça, le modèle américain, archive centralisée et très largement dépôt non pas par les auteurs, mais par les éditeurs eux-mêmes après une période d'embargo diversement définie, Biomed Central par exemple déposant immédiatement. Le cas britannique est plus complexe parce qu'on a en fait deux politiques qui s'affrontent de manière continue depuis 10 ans, depuis 2004, avec un acteur central qui est le Wellcome Trust, qui est un acteur privé, et qui va tenter d'imposer sa forme politique. Le Wellcome Trust, en fait, va faire du soutien aux revues en disant, nous, notre argent, vous pouvez le payer, vous pouvez l'utiliser pour payer la publication. Notamment, il va soutenir un mouvement en disant, même logique de financeur, nos contenus doivent être diffusés parce que nous les payons et nous considérons qu'ils doivent être rendus à un public large, mais en même temps, c'est en passant par le financement des revues. Et vous avez en face une archive locale qui est en fait la déclinaison de PMC donc dans le domaine biomédical, et vous avez également en fait des parlementaires, différentes commissions britanniques qui s'emparent et qui elles s'appuient sur tout un certain nombre d'universités pour vendre les archives d'universités, donc ce que je vais qualifier de semi-centralisées, c'est de l'auto-archivage mais assuré par l'employeur et avec une forte base, je dirais militante du côté des bibliothèques. Donc là, on a deux politiques publiques qui continuent à s'affronter. Il y a différents moments où, par exemple, les différentes branches de financement de l'équivalent de l'ANR britannique s'affrontent, c'est-à-dire les sciences sociales disent pas la même chose que les sciences humaines, qui disent pas la même chose que la bio, qui disent pas la même chose, etc. Certaines favorisant chacune de ces voies. Et on a la commission Finch, dirigée par... Elle est anthropologue, Finch ou historienne, je sais plus. Qui dit finalement, on favorise le modèle Gold. Sauf que de l'autre côté, vous avez de nouveau un mouvement parlementaire, vous avez les industries qui arrivent, des industries pas de l'édition et les autres. Donc on a une continuation d'une tension très forte dans le cas britannique, où en gros on fait tout, et la question c'est celle évidemment du double dip, c'est-à-dire finalement on paye le gold, on paye les archives, on paye tout, et on paye les abonnements, et est-ce que finalement tout ça est bien nécessaire? Donc une politique qui n'est pas du tout pensée comme centralisée, mais d'affrontement véritablement dans la sphère publique, y compris avec les acteurs politiques. Dernier cas, le cas européen. Alors le cas européen, c'est intéressant parce que c'est la Commission donc qui est au centre. Et la Commission, évidemment, elle est sur marché unifié, standard, etc. Et elle va faire de l'expérimentation en quasi-continu et de la production de connaissances. Elle confie un premier rapport à différents économistes qui disent « il y a un pouvoir de marché », Jean Tirole, 2014, prix Nobel, etc. « Il y a un pouvoir de marché des éditeurs commerciaux sur les bibliothèques. On n'est pas du tout sur un marché libre », c'est l'économiste qui le dit. Donc ça pose un problème, donc il faut inventer des dispositifs pour faire autrement. Donc ils vont favoriser à la fois l'archivage, l'auto-archivage et la définition d'archives publiques, notamment des types HAL et autres types d'archives qui vont être reconnus comme étant des bons lieux d'archivage par l'Union européenne sur des programmes pilotes, et notamment l'ERC dès les programmes de la fin des années 2000, avec une intervention très forte des industriels, des vrais industriels qui disent « oui mais c'est formidable, il faut que toute cette connaissance publique soit accessible à tous ». Évidemment, ce n'est pas les mêmes choses que l'industrie. On voit bien pourquoi, évidemment, ils font ça. Dans le FP7, vous avez l'autorisation également d'un modèle Gold. Donc, en fait, les Européens font tout, mais expérimentent. Et je voudrais juste rectifier une petite chose. L'un des programmes d'expérimentation dans Open Air a montré, ce qui est tout à fait classique aujourd'hui en sociologie des conceptions électroniques, que plus quelque chose est libre et disponible, plus la version payante sur l'éditeur est vue et diffusée. Ça arrive tout à fait pour les séries télé, ça marche pareil. Donc c'est tout à fait classique et attendu par des effets de diffusion de connaissances. Ah ben il est où? Et puis il y a effectivement à la fois des fétichistes de la vraie version, ce qui a le sens de fétichisme très différent si on est en biophysique et si on est chez nous, où quand même le texte est un peu au centre, mais aussi simplement logique d'archivage, logique de la vraie page que je vais citer, enfin tous les éléments qui ont déjà été évoqués. Et donc le cas européen aboutit à la déclaration de 2013 que vous avez vue, c'est-à-dire en fait une généralisation pour un H2020 des politiques européennes demandant à ce que ces biens publics reviennent au public, mais laissant finalement l'initiative aux acteurs eux-mêmes, chacun des acteurs financés, de la forme sous laquelle cette question de l'archivage va apparaître. Dernier slide. Donc ce qu'il faut comprendre dans les politiques de l'open access, c'est qu'aujourd'hui on a donc deux mondes, et on parle ici simplement du second monde, très largement. On a la question de l'archivage d'un côté. L'archivage qui peut être l'archive institutionnelle, l'archive centralisée, l'archive non commerciale, l'archive commerciale. En gros, l'archive non commerciale et commerciale sont, entre guillemets, mortes. C'est-à-dire, ce n'est pas des voies qui vont se maintenir en termes. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, JSTOR. Bien sûr, JSTOR va continuer à exister, du moins un certain temps. À terme, c'est pas du tout certain, ils auront un fonds patrimonial comme nous avons percé. Ce qui, pour nos disciplines, est absolument essentiel, parce qu'un article de 1947 peut être cité comme article et pas simplement comme histoire de la discipline. Quand vous êtes en biologie, vous ne citez jamais un article de 1947, bien évidemment. Et de l'autre côté, donc ça, l'archivage devient une forme que je vais qualifier de hors du marché. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement payer des coûts qui vont être associés, par exemple la formule ISTEX aujourd'hui qui existe, mais on va dire, dorénavant, c'est ça, c'est pas de l'accès, on possède les choses, on paye une fois parce qu'il y a du travail qui a été fait, ou on fait le travail nous-mêmes par nos structures publiques, mais c'est tout. Et on a un marché qui est un marché de la publication, avec donc quatre modèles au moins, donc abonné-payeur, lecteur-payeur, auteur-payeur et les hybrides qui ont énormément poussé, je ne reviens pas là-dessus, on pourra en débattre, hein, parce que 500 à 1000 dollars, si vous voulez, c'est vraiment pas cher. Hein. 3000, Springer, Elsevier 5000, on peut monter à 7000 sans aucun problème pour payer, pour publier un article. Et évidemment, c'est la question de la tension entre les deux fonctions, archivage et publication, qui apparaît à travers le terme dont j'ai tracé l'origine, qui est celui d'embargo, c'est-à-dire quelle est la durée nécessaire à l'existence d'un marché économique par rapport à un marché qui désormais conçu simplement comme l'ordre du service public ou de la délégation de service public. Et c'est, il me semble bien, la question essentielle, avec les uns disant que finalement le temps nécessaire est insuffisant, et les autres, au nom de la diffusion et du bien public, estimant qu'il est absolument indispensable de faire en sorte que ce temps soit le plus court possible, voire réduit à zéro. Je vous remercie.